Cette fois, les minima seront moins frais que la nuit dernière, 7 à 9 degrés. Puis demain, on garde un ciel couvert sur l'Est, avec même quelques bruines possibles le long des frontières de l'Est. Ailleurs, eh bien, ce sera le lent retour des éclaircies dans le courant de la journée. Température de 10 à 15 degrés. Le week-end s'annonce, lui, variable, avec quelques averses, pas trop nombreuses, et une moyenne de 10 à 14 degrés. Excellent début d'après-midi à l'écoute de Vivacité. Il est 13h. Bernard Westphal est-il coupable ou pas? On devrait être fixé cet après-midi. Les 12 jurés de la cour d'assises de Mons délibèrent depuis 2 heures déjà. Nous avons assisté au dernier moment du procès, au dernier mot de Bernard Westphal avant le départ des jurés. Vous sortez de chez vous, vous fermez la porte à clé. Et quand vous quittez votre PC, vous faites quoi? Eh bien, vous ne faites pas assez attention. Les Belges, en grande majorité, ne sont pas vigilants. Ils favorisent ainsi la criminalité sur le web. Bulletin pas très bon non plus concernant notre comportement au volant. Nous utilisons beaucoup trop notre GSM en roulant. Dès qu'on l'a en main, en même temps que le volant, c'est comme si on roulait 25 mètres à l'aveugle. Le journal de 13h présenté par Manu Delporte. Manu, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Les jurés en délibération au procès Westphal depuis 2 heures maintenant. Juste avant qu'ils sortent de la salle d'audience, les avocats ont pris la parole une dernière fois. Bernard Westphal aussi. J'aimais profondément Véronique, j'aurais tout fait pour la sauver. Ce sont les derniers mots de Bernard Westphal en larmes devant la cour d'assises, Fabrice Gérard. C'est sans conteste la première fois qu'il parle avec ses tripes, la première fois aussi qu'il clame son innocence avec autant de vigueur. Pendant 3 semaines, Bernard Westphal a évité soigneusement le registre de l'émotion. Mais ce matin, lors de prononcer ses derniers mots, l'ancien député wallon avait la voix tremblante et les larmes aux yeux. Gentil est le meilleur ami de Bernard Westphal. Ce qu'il a dit, on l'a bien senti, vient du fond du cœur, de ses tripes. Et vous savez, moi qui le connais depuis 37 ans, je suis sûr d'une chose, c'est qu'il n'a pas tué Véronique Pirotton. Et puis il y a Victor, le fils de Véronique Pirotton. « J'ai aimé ce garçon comme le mien », explique l'accusé. Et sa souffrance m'est insupportable. Bernard Westphal se tourne alors vers la famille de la victime. Il dit comprendre leur souffrance et ose même évoquer une possible réconciliation. Jean-Philippe Mayence est l'avocat de Bernard Westphal. Monsieur Westphal a décidé de s'exprimer avec son cœur et peut-être pour une fois il s'est vraiment livré et a tout lâché. Je crois que c'était important pour lui de le faire et ça n'a pas sans doute été évident de le dire à la famille. Mais... Et justement, les proches de Véronique Pirotton n'ont pas voulu réagir à notre micro, laissant faire leur avocat Philippe Moureau. Je n'ai pas à m'exprimer sur ce que dit Monsieur Westphal. C'est son droit d'avoir le dernier mot et c'est son droit de le faire exactement comme il veut. Bernard Westphal en termine, il sort de la salle d'audience en larmes. C'est au tour des jurés d'entrer en délibération. Pas mal de perturbations en vue demain. Pas de grève nationale, mais des préavis déposés par-ci par-là. Des soucis prévus par exemple dans les bus, peut-être aussi dans les trams et les métros. Pas dans les trains en tout cas. Il y aura aussi des grèves dans les hôpitaux, dans certains dépôts qui alimentent les grandes surfaces. Action prévue devant chez ING à 9h du matin et puis une manifestation en fin de matinée à Wavre. Ça n'a pas empêché Charles Michel de recevoir les syndicats ce matin. Des retrouvailles après la manif de jeudi dernier. La rencontre a duré 2 heures et selon les syndicats, elle était constructive. Marie-Hélène Ska de la CSC. Nous avons pu faire part des préoccupations qui sont celles du monde du travail aujourd'hui. Et donc ça, c'était important après la mobilisation du 29 septembre dernier et redire que les travailleurs ont fait plus que leur part dans les efforts qui étaient à réaliser. Sur la loi Peters, flexibilité au travail, annualisation du temps de travail et la révision de la loi 96, le Premier ministre vous l'a confirmé que ce serait bien des décisions qui seront prises dans le cadre du budget des négociations budgétaires. Ah, je pense que c'est une des conséquences de l'échec des négociations au sein du groupe des 10 et donc la volonté du gouvernement semble être de présenter ces éléments comme des éléments de réforme structurelle aux yeux de l'Europe. Donc je ne peux que déplorer la rigidité du monde patronal en la matière, puisque ce sont des matières qui, par essence, font partie et doivent faire partie de la concertation sociale. Marie-Hélène Ska de la CSC avec Marie-Paul Jeunhomme, Marc Goblet pour la FGTB, s'est dit lui aussi satisfait de la rencontre. Et l'un et l'autre, vous l'avez entendu, espère une vraie concertation avant que les décisions budgétaires tombent. Charles Michel devrait rencontrer les employeurs à 16h30. On apprend aussi ce matin qu'il y a des risques risques sur l'emploi chez Vinsot à Vilvorde. Les syndicats, en tout cas, sont inquiets. La société d'inspection et de certification pourrait se séparer de 800 personnes à l'étranger et de 50 personnes en Belgique. Vinsot emploie 1700 travailleurs en Belgique et un millier d'autres dans ses sites internationaux. Vinsot se joindra d'ailleurs à l'action ING demain, comme pas mal d'autres entreprises du Namurois, par exemple. Des soucis sur le rail ce matin entre Mons et Bruxelles. Après la panne d'électricité de mardi, l'alerte terroriste de mercredi ce matin, les navetteurs ont une nouvelle fois dû prendre leur mal en patience. Cette fois, à l'aller, à 7h55, un train est tombé en panne. Les 500 voyageurs qui étaient à bord ont embarqué dans le train qui suivait, lui aussi à l'arrêt à cause de la panne du premier. Le train en panne a finalement été remorqué. Le suivant, bondé, a pu prendre la direction de la capitale. L'homme qui a agressé deux policiers à Skarbek devrait rester en prison, selon le porte-parole du parquet. Le suspect n'a pas encore été entendu, il n'est pas audible, il a été opéré, il est actuellement en chambre de réveil. La piste privilégiée reste un possible attentat terroriste, avec aussi probablement un aspect de vengeance personnelle. Le parquet confirme que l'agresseur était en contact avec des djihadistes en Syrie et en Irak. Alors, l'ancien militaire, ancien boxeur, père de 6 enfants, s'est-il radicalisé récemment ou a-t-on affaire à une personne déséquilibrée ? Son parcours, Myriam Ball, pourrait alimenter les deux hypothèses. Quelle mouche a piqué Hicham D ? Le parquet fédéral a très vite évoqué l'hypothèse terroriste. Et il faut dire que les fréquentations passées de l'homme laissent perplexe. Il était en 2004 sur une liste électorale d'un parti, le PCP, guidé par un personnage, le Cheikh Bassam, très investi dans les milieux radicalisés. Sur la liste également, il y avait Olivier Dassy, condamné à 40 mois de prison pour participation à un groupe terroriste. Mais des événements de la vie privée d'Hicham D ont pu avoir joué également dans cette explosion de violence. L'homme est un ancien accidenté de la route. C'est une voiture de police qu'il a renversée violemment au moment où il voulait sortir ses enfants de la voiture. Son combat pour obtenir réparation n'a pas porté ses fruits. Le non-lieu a été prononcé. Il gardera une profonde amertume de cet épisode de son passé. Dans le passé aussi, une prise d'otage à Bruxelles quand il avait 6 ans par un déséquilibré. Pour le libérer aux côtés de sa mère, les policiers ont dû abattre le preneur d'otage sous ses yeux. Qu'est-ce qui a pu jouer, ce possible traumatisme, la rancœur à l'égard de la police ou encore ses liens avec des personnes radicalisées ? La communication du parquet montre qu'aujourd'hui, tout est envisagé. 6,5 millions de Belges auraient un comportement à risque sur Internet, autrement dit une grosse majorité des gens connectés. Le Centre pour la cybersécurité belge lance une campagne de sensibilisation. Installer un antivirus ou choisir un mot de passe complexe doit devenir un réflexe, exactement comme celui de fermer sa porte à clé quand on quitte son domicile. Car si on ne le fait pas, sans le savoir, quand on ne protège pas son PC, on est complice d'un hacker. Miguel De Breuker est directeur du Centre pour la sécurité belge. Une étude de l'université de Gand a démontré que 68% des Belges ont un comportement, disons, pas secure sur Internet. Dangereux même. Dangereux, c'est-à-dire que à cause de leur comportement, parce que ils ne protègent par exemple pas suffisamment leur ordinateur ou parce qu'ils ne se rendent pas compte que certaines mails peuvent être des emails malicieux, qu'ils ont donc un comportement dangereux, ce qui fait que des criminels pourraient utiliser cela pour les attaquer. Risquez par exemple qu'un cybercriminel installe un virus sur votre système, qu'à ce moment-là il a accès à vos informations et qu'il peut utiliser votre ordinateur par exemple pour attaquer des autres systèmes. En théorie, quelqu'un qui a un logiciel qui tourne sur votre ordinateur un virus, par exemple, il a accès à toutes vos informations s'il veut. Une interview signée Odile Lehert. Pour savoir comment faire, rendez-vous sur safeonweb.be. Vous pourrez y tester vos connaissances en cybersécurité. À l'étranger, toujours Matthew. Il a fait 23 victimes jusqu'ici. C'est le dernier bilan officiel de cet ouragan. Il se trouve au-dessus des Bahamas. L'ouragan en catégorie 3 pour l'instant pourrait reprendre de la vigueur en approchant de la Floride. En Tunisie, un bateau de croisière vient d'accoster à la Goulette, près de Tunis. Un paquebot battant pavillon allemand. C'est le premier depuis les attentats du Bardo en mars 2015. 21 touristes étrangers, pour la plupart des passagers de bateaux de croisière, avaient été tués lors de l'attaque du musée. Attaque revendiquée à l'époque par le groupe terroriste État islamique. Les jeunes Wallons utilisent trop leur GSM au volant pour téléphoner, écrire un message, faire un selfie et même parfois chasser les Pokémon. C'est dangereux évidemment. Du coup, l'Agence Wallonne pour la sécurité routière lance une campagne de prévention. Simon Bourgeois, c'est bien nécessaire. Oui, c'est nécessaire Manu parce que, écoutez, un jeune sur 10 utilise régulièrement son GSM en conduisant. Il suffit de regarder 30 secondes à un gros carrefour ce matin dans les rues de Mons par exemple. Vraiment pas compliqué de trouver ces jeunes. Ouais, ça m'arrive de temps en temps. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, j'ai failli faire un accident parce que je regardais pas la route. Donc. Chaque fois que je roule, par exemple, j'ai un message, je vais pas faire attention, même si je roule ou pas, je l'utilise, quoi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de chasser des Pokémon en conduisant? Oui, je vais pas mentir, ça m'est déjà arrivé. Donc, faudrait que j'arrête parce que c'est pas du tout sécurisant, ni pour moi, ni pour les autres automobilistes. Ben non, parce que si vous roulez à 90 km/h, une seconde les yeux sur votre écran, eh bien vous roulez 25 mètres à l'aveugle. Il suffit évidemment d'un imprévu et c'est l'accident, d'autant que d'après les statistiques wallonnes, dans la plupart des cas, le GSM au volant, c'est pour des messages ou des discussions franchement pas urgentes. Même les choses anodines, je réponds, quoi. C'est comme un réflexe en fait. C'est pas des choses qui pourraient être mises après votre trajet en voiture? Si. Mais voilà, parfois on en profite quand on a un feu rouge et voilà. Au volant, pas de téléphone, la campagne commence cette semaine sur les panneaux d'affichage le long des routes et sur les réseaux sociaux. Et sur les routes, on y va justement avec Laurent Deboeuf, avec cet accident sur l'autoroute 19, Mons-Bruxelles. Ah oui, bonjour. C'est un accident qui s'est produit à hauteur de Senef et une bande de circulation en a neutralisé. C'est en direction de Bruxelles et comptez d'ailleurs 5 km de ralentissement suite à cela et 12 minutes de perdu. Donc si vous circulez en direction de la capitale. Et du côté de Bruxelles, par contre, là, on a une bonne nouvelle puisqu'on avait un camion en panne qui nous était signalé depuis un petit moment dans l'échangeur du Carrefour Léonard qui relie le 411 vers Namur, la chaussée vient d'être dégagée, donc le trafic a repris son cours. Et on a la fin d'un accident également sur le 313 Anvers-Liège, accident qui s'était produit à hauteur de Massenhoven. La chaussée est dégagée, certes, mais les files sont toujours bien présentes, et des files très importantes d'ailleurs qui s'étendent sur 15 km depuis Ranst et comptez toujours 1h22 si vous circulez en direction de la Cité Ardente. Soyez évidemment très patient si vous êtes dans ces files. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et on rejoint à Liège Sylvie Honoré parce qu'aujourd'hui, dans la vie du bon côté, on parle de la différence. Absolument. Dernière ligne droite pour la campagne Cap 48. Et en ce qui nous concerne, par contre, c'est vrai que nous en parlons toute l'année, mais aujourd'hui, on appuie vraiment cette différence, voilà, parce qu'elle nous concerne tous. Et donc, émission spéciale Cap 48 en direct de Médiacité à Liège. Merci pour ce journal. L'info revient à 14h. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue. Waouh. Je suis extrêmement heureuse, bien entendu, de vous présenter cette émission. Comme nous étions en direct à Mons la semaine dernière, dans l'auditorium qui accueillait pas mal d'auditeurs aussi venus assister à l'émission en direct, nous sommes aujourd'hui donc à Médiacité pour le même principe, sauf que nous allons jouer un peu les prolongations puisque le moment principal, on va dire, de cette journée, c'est vraiment la conférence tout à l'heure qui va réunir les quatre coachs qui seront à mes côtés pour faire cette conférence grand public, on le dit bien, sur la différence et si ma différence était ma richesse. La différence qui n'est pas un handicap et surtout quand cette différence arrive en cours de vie puisqu'en effet 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. L'acceptation de sa différence commence par se libérer du regard des autres et on en parle souvent dans cette émission. C'est un chiffre interpellant, c'est vrai, qui nous rappelle que nous pouvons tous un jour être directement concernés et c'est pour donner davantage de moyens aux associations, aux centres de revalidation qui aide les personnes comme Tanguy, qu'on aura l'occasion d'entendre dans un instant, à se reconstruire, que Cap 48 a décidé d'axer sa campagne cette année sur cette thématique difficile. Nous attendons vos témoignages à ce sujet. Venez nous dire à quel point il a été important pour vous ou pour une personne de votre entourage d'être accompagné, d'être encouragé dans de nouveaux apprentissages et d'avoir pu rencontrer des personnes confrontées au même drame, à la même difficulté que vous. En Belgique, 15% de la population est touchée par un handicap, c'est-à-dire que ça représente plus d'1 600 000 personnes. Et c'est pour cette raison, Renaud Tocquer, bonjour à vous Renaud. Bonjour. Bienvenue en tenue déjà, costume élégant, hein, très élégant. C'est déjà la répétition pour dimanche? Déjà, ça commence en effet. Pour l'émission télé, Renaud Tocquer, Cap 48 a voulu en effet placer le thème de la campagne de sensibilisation sur le handicap survenu en cours de vue. C'est une réalité encore peu connue et c'est pour ça que vous en parlez. Mais bien entendu, chaque année, nous faisons campagne sur cette question du handicap et de l'intégration depuis bien longtemps. Et donc chaque année, évidemment, nous cherchons un nouvel angle pour intéresser le grand public et pour continuer à militer sur cette cause qui nous intéresse tellement. Or, il est vrai que dans le sens commun, on a l'impression que le handicap, on est de naître, on est avec le handicap. Et quand on était conscients de ce chiffre, eh bien, fort de cette perception, on s'est dit, ça c'est une manière intéressante d'aborder le sujet. 80% des situations de handicap arrivent en cours de vie. Alors un tiers de ces situations, c'est un accident de voiture, de transport professionnel. Un tiers, c'est dans le cadre de maladies génétiques qui se déclarent tardivement. Et le dernier tiers, c'est l'âge et le monde moderne, c'est les maladies chroniques. On vit plus longtemps et donc on finit par développer, malheureusement pour certains d'entre nous, des maladies chroniques. Et c'est pour ça que vous voulez mettre donc ce coup de projecteur cette année sur ces hommes, ces femmes, ces enfants aussi, hein, pour qui un jour la vie a basculé et qui ont décidé de se battre. Parce que c'est ça aussi le message que vous souhaitez faire passer, Renaud. Et bien sûr, la vocation de Cap 48 est avant tout de militer pour une société plus inclusive. Oui. Vous savez, les gens ne naissent pas discriminants, on ne naît pas raciste non plus. Ce sont des choses qu'on acquiert malheureusement au cours de sa vie, parce qu'on intègre mal certaines valeurs qui sont pas bien transmises ou pas assez bien transmises. Et donc ce qui est fait dans ce sens-là peut être défait et corrigé. Et notre vocation, avec le support fantastique de la RTBF, le vôtre aussi Sylvie, c'est grâce aux médias, on peut parler, faire connaître, montrer des exemples, et par là même alors concevoir qu'en effet, le handicap, finalement, c'est très proche de moi, ça peut m'arriver. Bien sûr. Et à partir de là, je change ma manière de voir les choses, je change mes habitudes. Et s'il faut adapter le trottoir qui est devant chez moi, alors que ça m'embêtait parce que j'aime bien les vieux pavés, eh bien je vais faire l'effort parce que finalement ça pourra peut-être aussi me servir un jour. Vous avez raison de le dire. Et si cette émission s'appelle La vie du bon côté, c'est parce que nous en parlons en effet au quotidien. Nous essayons de tirer les auditeurs vers le haut, voilà, pour leur faire prendre conscience en effet qu'il est possible de vivre avec toutes ces différences qui font partie du quotidien. Des personnes qui ont fait de leur handicap une véritable force, on a envie de les mettre à l'honneur aujourd'hui, dont l'optimisme dévoile une réelle leçon de vie. À vous de témoigner sur le sujet. 070 23 33 23, SMS 30 63. Nous avons aussi la présence du ministre René Collin à nos côtés, puisqu'il est important de signaler que, autant la semaine dernière que cette semaine, nous parlons de la différence au niveau des producteurs. Et je pense que vous serez heureux, René Collin, dans quelques instants, de mettre en avant cette différence. En effet, il est bon de rappeler que les producteurs sont solidaires par essence. Et ça, c'est important de mettre le coup de projecteur là-dessus aussi. Aujourd'hui, bien, venez témoigner, c'est à vous de le faire, jusqu'à 15h. C'est parti. La vie du bon côté. Encore une matinée à me demander comment je vais combler tout ce vide que tu as laissé. Je sens que la journée promet d'être longue et je n'ai plus personne avec qui la passer. Je ne peux plus porter cette solitude, tu me manques, je n'ai plus personne à qui me confier. Je passe mon temps à regarder par la fenêtre et je ne te vois toujours pas entrer. Tout semble faux, j'en perds mes mots. Que vais-je devenir? Je garde espoir de te revoir dans un proche avenir. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Les souvenirs ne cessent de me hanter. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Ça

Vivacité présente le week-end Maison et Architecte, un événement d'une brique dans le ventre. Besoin d'inspiration pour construire ou rénover? Visitez gratuitement des maisons conçues par des architectes wallons et bruxellois et découvrez leurs talents ces 8 et 9 octobre. Préparez vos visites sur le site maisonetarchitecte.be. Avec le soutien de l'Ordre des architectes et d'AXA Bank. C'est 6, 7 et 8 octobre, tu sais où je suis? Oui, au Westland Shopping. Oui! Et pourquoi? Pour la braderie d'automne, évidemment. Dis, tu lis dans mes pensées ou quoi? Non, mais j'ai Facebook et je peux même te préciser qu'il y a plein de bonnes affaires à faire pour renouveler, par exemple, ta garde-robe. Continue. Et pour les enfants, atelier cire, grimeuse, jazz band, artiste de rue. Dis donc, tu serais pas en train de me dire que tu m'invites les 6, 7 et 8 octobre au Westland Shopping? Ben mieux, je t'y emmène. Allez, viens. Info, westlandshopping.be, Ring West sortie 14, parking facile. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Avec plusieurs invités en direct, avec plusieurs auditeurs aussi en direct qui assistent à l'émission, parce qu'on a envie en effet d'aller montrer aussi aux auditeurs comment ça se passe une émission radio, comment ça se vit les coulisses d'une émission radio chaque année. Donc, et c'est pour ça qu'on met l'accent sur Cap 48 qui finance des associations qui viennent en aide à des personnes en offrant des services tels que la rééducation, les soins adaptés, les logements supervisés. C'est vrai que vous avez évidemment le suivi, le feedback, puisque en général on parle aussi des associations qui ont mérité le soutien de Cap 48 et qui font un travail toute l'année. Encore une fois, c'est une campagne qui s'étend, hein, Renaud, on le répète, sur quelques temps, mais c'est toute l'année bien sûr qu'il faut mettre en évidence cette différence, parce que c'est toute l'année que les associations sont au service des uns et des autres. Oui, bien sûr, et grâce au financement qu'on peut octroyer, la solidarité agit au mois d'octobre et nous avons récolté l'année passée pratiquement 5 millions d'euros. Oui, oui. Et dans le courant de l'année, eh bien, nous avons octroyé ces financements grâce à des jurys, un jury composé d'une quarantaine de membres qui sont des personnes tierces à Cap 48, des directeurs d'associations, des personnes handicapées. Eh bien, une centaine d'associations ont été identifiées partout à Bruxelles et en Wallonie. Elles ont bénéficié de ces financements et donc maintenant, grâce à la solidarité, ces activités continuent, sont dans leur quotidien. Et ça, c'est extrêmement important de dire que l'argent qui a été récolté grâce à cette formidable élan de solidarité, bien, se retrouve à nouveau dans les communes, dans les villages, dans les hameaux, pour continuer à poursuivre le travail de proximité. Tout à fait. C'est important à souligner, bien entendu, Cap 48. C'est toute l'année, bien entendu, qu'il y a toute l'équipe au service de cette grande cause. Alors, on se nourrit l'esprit en parlant de tout ça. On se nourrit le moral, parce que ça fait du bien, parfois, de se dire qu'il y a toutes ces personnes qui se battent au quotidien. On se nourrit aussi un peu le corps et l'estomac, grâce à vous, René Collin, en tant que ministre de l'Agriculture, ministre wallon de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme. Vous m'avez vraiment aidé, voilà, via la PACW, à mettre sur pied ces deux journées-là. Et je pense qu'il est important, René Collin, de rappeler en effet que les producteurs ont répondu de suite présent, parce qu'il y a une vraie solidarité, par essence, au sein de ces producteurs. Vous l'avez dit, Sylvie, en réalité, c'est très naturel pour les producteurs wallons d'être solidaires, parce qu'ils le sont, au quotidien. On a l'habitude parfois de les présenter comme des gens qui vivent mal leurs difficultés, qui se plaignent, etc. Ils sont en difficulté et malgré la crise agricole, eh bien, ils ont voulu être solidaires et vous l'avez vu, ils sont très fiers d'être participants à Cap 48, parce que la solidarité, c'est au cœur de leur vie, c'est au cœur de leur démarche. Alors, on l'a dit, c'est très important de rappeler que la différence, c'est souvent une richesse. Oui, bien sûr. Et les agriculteurs, ils rappellent aussi que finalement, si je fais un parallélisme, ils ont aussi une différence. L'agriculture wallonne, elle est différente des autres, parce qu'elle est basée sur la proximité, elle est basée sur la qualité, elle est basée aussi sur une démarche de confiance. Et puis, celles et ceux qui vont avoir la chance de participer au buffet ce soir, eh bien, ils vont s'en apercevoir. Ce ne sont pas des produits lointains, ce sont des produits de près de chez eux. Ce sont des produits qui permettent, comme vous l'avez dit dans votre émission, c'est la vie du bon côté. La vie du bon côté, ben, c'est choisir les bons produits de chez nous. Alors, un mot aussi, parce que c'est très important de rappeler que la différence, c'est souvent aussi un exemple. Oui. J'ai eu la chance de m'occuper de la politique sportive pendant un moment, et combien j'ai été impressionné par

différence. Une émission spéciale finalement sur ces deux journées qu'on avait vraiment envie d'organiser, d'aller à la rencontre de nos auditeurs et de les faire partager aussi ce qui se passe, cette belle énergie qui s'est mise en place dans l'émission en direct, voilà, en live avec quatre de mes invités réguliers qui ce soir donneront une grande conférence sur le thème de la richesse, conférence interactive dans laquelle chacun pourra intervenir. C'est aussi aujourd'hui, je pense, l'occasion, et ce sera aussi dimanche, de mettre à l'honneur ce réseau de bénévoles, évidemment, de Cap 48, qui, sans eux, ben voilà, on ne peut pas faire bouger les choses, on ne peut pas faire bouger la société, et ça aussi, c'est un des objectifs de l'action de Cap 48, c'est vraiment donner un autre message à la société d'aujourd'hui, c'est la faire bouger. Le mot solidarité reviendra à plusieurs reprises. On aura dans quelques instants Tanguy, son témoignage, ambassadeur Cap 48, et puis je vois aussi le témoignage de Karine par SMS, intéressant. Je pense son message à Karine en parlant de son compagnon qui est malvoyant. 070 23 33 23 SMS 30 63. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. Stop ! Dormir, c'est important, mais ce n'est pas le moment. Durant tout le mois d'octobre, la Literie Libo vous propose toute la literie et accessoires hors TVA. Depuis plusieurs générations, la Literie Libo veille sur votre sommeil et chouchoute tous ses clients avec, en cadeau, la TVA offerte. Le rêve. Profitez-en. Literie Libo fête ses 90 ans. Rue de l'Étang à Etterbeek, à proximité de la place Jourdan. Non mais tu l'entends l'autre là? Il fait que rigoler. Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Fabia à partir de 8 750 €, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. En ce moment, chez Colruyth, c'est le festival des extras. Avec énormément de réductions extras sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 18 octobre. Colruyth, votre garantie des meilleurs prix. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Vivacité présente. Bonjour monsieur, vous pouvez me dire dans quel rayon je pourrais trouver du respect pour les producteurs du Sud? D'ici 2020, faites de la Belgique le pays du commerce équitable. Et pour commencer, participez à la semaine du commerce équitable du 5 au 15 octobre. Semaine du commerce équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. La vie du bon côté sur Vivacité. Spéciale différence, voilà, c'est comme ça qu'on a envie d'intituler cette émission, spéciale solidaire, solidarité, c'est le mot solidarité qui va, je pense, être le plus souvent prononcé quand je vois aussi les messages que nous recevons sur des personnes qui ont aidé d'autres personnes à s'en sortir, voilà, et c'est grâce à cette sensibilisation finalement qu'on peut briser la glace, c'est grâce aussi à des personnes jeunes, dynamiques, qui sont vos ambassadeurs, Renaud, je ne sais pas s'il y a un casting, mais en tout cas, c'est vrai que l'année dernière, je me souviens aussi d'une jolie personne qu'on avait vue sur toutes les affiches, en sous-vêtements. Oui, ça remonte à quelques années. Ah oui, non, je dis l'année dernière, Tania, mais en disant ça, oui. Je me dis oui, ça fait quelques années. Mais écoutez, on cherche en tout cas toujours des personnes qui ont quelque chose, qui portent un message et qui ont les moyens aussi de le faire signifier aux autres. On parlait de la dimension exemplative. Pour nous, c'est essentiel. C'est parce qu'on montre que la vie peut être meilleure, malgré les soucis, peut être bonne. Il existe des moments de bonheur, malgré le handicap. Eh bien, c'est en montrant ces exemples qu'on peut aussi reconquérir ou donner aux autres la possibilité de reconquérir un peu plus de liberté. Tanguy Verheyden, vous avez 22 ans, vous travaillez dans le secteur du jardinage en 2015, quand ce 29 mai, vous empoignez une branche pour la mettre dans le broyeur et pour une raison inexpliquée, votre gant se prend dans l'engrenage. Vous êtes amputé du bras gauche. Vous expliquez évidemment lors de cette campagne comment votre vie a basculé, mais vous, surtout ce qui vous a aidé à vivre avec votre handicap, Tanguy. Au début, ce qui était difficile, c'est déjà de se réveiller dans un corps qu'on ne connaît pas. Donc c'est d'abord une première chose pour quelqu'un qui naît avec ses quatre membres, enfin tout à fait normalement, réussir à entre guillemets à accepter cette nouvelle image de soi, à voir le regard des gens qui est différent, est assez difficile. Donc il faut réussir à déjà s'accepter soi-même, bien accepter le regard des gens. Et ce qui aide beaucoup, c'est déjà les centres de révélation, comme on a ici par exemple le centre de Fréture, où j'ai pu aller pendant 3 mois, où j'ai côtoyé énormément de personnes qui avaient des handicaps, qui avaient des amputations de tout type. Donc disons que se retrouver presque dans une petite bulle pendant quelques mois avec des personnes qui vivent la même chose, ça aide à se reconstruire soi-même. Puis au fin de compte, en sortant, on remarque que les gens souvent ont d'abord un premier regard curieux, mais directement, enfin, nous acceptent directement, et il y a de plus en plus d'associations, de d'institutions publiques qui se bougent, qui essaient d'insérer les personnes handicapées dans la société. Donc c'est plus comme avant où, tiens, il y a un handicapé, on va le mettre sur le côté, ou on va passer à côté. Maintenant, on essaie vraiment d'inclure les gens, et c'est vraiment génial. Mais c'est ça parfois qui est encore dur, c'est le regard un peu gêné, toujours embarrassé des personnes que vous côtoyez. On n'ose pas vous demander, mais on aimerait bien vous demander. Vous le sentez tout de suite, ça, je suppose? Oui, on le sent directement. Donc par exemple, quand je vais nager, j'ai un peu de mal à mettre mon bonnet, à mettre mes lunettes, et je chipote un petit peu, et je vois les gens qui sont à côté de moi, et qui aimeraient vous aider, oui, voilà, mais qui n'osent pas, peut-être. Ils aimeraient proposer leur aide, mais ils savent pas si je vais l'accepter, si ça va être, enfin, ou comment le dire, parce que souvent sur 10 personnes, 9 personnes le proposent tout à fait correctement, mais il y a une personne qui le dit un peu maladroitement. Et du coup, après, ça met un petit moment de blocage, ça peut irriter certaines personnes. Parce que des fois, on se sent un peu infantilisé, qu'on vient imposer l'aide à la personne. Mais c'est quelque chose qui est vraiment banal. On fait avec. Moi, je me souviens la première fois que j'étais, la première semaine quand j'étais à Fréture, je suis sorti de ma chambre. Il y a une petite fille qui était là avec ses parents pour voir sa grand-mère qui avait été amputée. Et la maman, enfin la petite fille dit à sa maman, tiens, monsieur, il manque un bras, qu'est-ce qu'il a eu? Et puis elle se retourne vers moi, monsieur, qu'est-ce que t'as eu? Et donc du coup, j'ai dû trouver une para directement, et moi je lui dis que c'était un magicien qui m'avait pris mon bras, et que si elle le voyait, qu'elle lui dise de prendre mon bras, parce que la blague avait assez duré. Mais c'est quelque chose qui est venu spontanément, mais c'est une para qu'il faut trouver, une petite carapace qu'il faut se créer avec l'humour. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et ben voilà, Tanguy, 22 ans, ambassadeur de cette campagne 2016, aux côtés de Luc Huberti. Hein. Luc Huberti est amputé d'une jambe, et c'est vrai qu'on le voit très souvent sur des terrains en train de courir, parce que je pense qu'il n'était pas sportif du tout. Hein. J'avais entendu ça à la conférence de presse avant, et c'est grâce aussi à cet handicap qu'il l'est devenu. Et aujourd'hui, sa vie, c'est le sport aussi, surtout. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il a grandi. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez rebondir, témoigner aussi sur des situations similaires que vous vivez peut-être dans votre entourage. Vive à Bruxelles, en toute complicité, sur 99.3 FM. Profitez avec l'option smartphone de vous du Samsung Galaxy S7 Edge à 199 €. Vincent, pince-moi, je crois que je rêve. Aïe ! Non, c'est toujours pas mieux là. Renverse-moi ce seau d'eau sur la tête. Oh, c'est froid ça ! Alors, prends cette batte là et vas-y, frappe-moi vraiment, vas-y. Ah, non ! Ah bah c'est que je dois peut-être pas rêver alors. Les smartphones de vous, hier dans vos rêves, aujourd'hui dans votre poche. Avec un des forfaits Voomobile, profitez de notre gamme de smartphones à prix de rêve, disponible sur voomobile.be. Et il est temps de penser à Voomobile. Offre soumise à condition. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir du fivre. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Chérie ? Oui ? Regarde, j'ai encore acheté 12 chaises supplémentaires. Quoi ? Tu trouves que c'est trop ? Non, mais... Enfin, 12 chaises, mais où est-ce qu'on va mettre ça, enfin ? Heureusement, chez IKEA, vous avez 365 jours pour échanger vos achats. Ça, c'est bien dit. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Plus d'infos sur IKEA.be.

alimenté directement par les producteurs et qui est surtout encouragé, je tiens à le souligner, par les femmes, par les agricultrices, notamment celles de l'Union Wallonne des agricultrices. Et ça commence à donner de bons résultats. Par exemple, cette année-ci, il y a 20 tonnes de chou-fleurs, pour prendre un exemple très précis, qui ont pu être écoulées comme cela, mais également des pommes de terre, d'autres légumes, etc. Donc c'est une plateforme qui ne demande qu'à se développer. C'est intéressant, évidemment, pour les producteurs, parce que bon, ils n'ont pas sur les bras des surplus, mais ils les vendent à un prix très réduit. Et donc, c'est surtout intéressant pour les consommateurs qui sont touchés et qui n'ont pas nécessairement la possibilité d'acheter des produits de qualité de chez nous. Et donc, on doit faire appel à cette plateforme, à la fois du côté des producteurs pour l'alimenter et du côté, bien sûr, des organismes à vocation sociale. La gourmandise, on n'a pas fini d'en parler, parce que c'est vrai que vous étiez avec nous, René Collin, il y a quelques semaines, on va dire, sur le beau vélo de Ravel, puisque cette année était dédiée au vélo. Vous avez participé à quelques étapes, puisque les producteurs étaient bien représentés aussi. Et c'est vrai que nous avons incité nos auditeurs à pédaler, et puis après, à tout simplement profiter de ces bons produits du terroir, puisqu'ils pouvaient repartir. Et vous nous avez promis, il y a quelques semaines, d'être à nouveau présent cette année, parce qu'il y a un autre thème, une autre thématique qui va être mise en avant, René Collin. Mais oui, donc en 2016, j'avais décidé que l'année touristique, elle allait se décliner autour du vélo. Oui. Et forcément, le beau vélo de Ravel, partenaire permanent maintenant de nos actions de valorisation touristique. Et l'année prochaine, j'ai choisi la Wallonie gourmande. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire du vélo, c'est le contraire. Il faut prendre la vie du bon côté, et donc il faut continuer à sillonner nos belles régions. Mais il faut aussi goûter à tous nos terroirs. Et donc la Wallonie gourmande, ça va être l'occasion de mieux faire connaître notre gastronomie, de mieux faire connaître la diversité de nos terroirs, et puis de mettre en avant le savoir-faire de nos artisans, de nos producteurs. On a parlé dans une publicité tantôt des boulangers-pâtissiers. Oui, oui. Vous avez une superbe gosette qui vous attend. Absolument. D'ailleurs, gosette aux pommes d'Hermann sous Argento qui vous attend. Mais plus sérieusement, on va continuer à aider davantage nos producteurs. On va faire une route des vins avec l'association des vignerons wallons. On va faire une route de la bière, on va faire une route des fromages. On va inciter, bien sûr, nos touristes, mais aussi nos consommateurs, nos concitoyens, à aller davantage à la rencontre du bon goût en Wallonie, parce qu'on est une terre de bon goût. Et ben voilà, et alors je vais peut-être faire avancer nos ambassadeurs de la PACW qui vont venir avec des bons produits du terroir. Ah ben oui, voilà, notre buffet normalement ne se faisait qu'à partir de 16h, mais on avait quand même envie de vous régaler, de régaler vos papilles avec des bonnes charcuteries, avec des bonnes petites bulles, voilà, du terroir. Donc voilà ce qui sera proposé tout à l'heure aux auditeurs. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir. On aura l'occasion, juste après 14h, de parler avec Jean-Louis Lahaye, qui va vous proposer cette belle affiche de vedettes qui seront présentes lors de la soirée de clôture ce dimanche, aussi en direct de Mediacité. On aura l'occasion d'entendre Tanguy. Puisque vous restez toujours là, Luc Huberti, voilà l'autre ambassadeur de la campagne. On aura l'occasion d'entendre la directrice de l'SBL, les Héliotropes, parce qu'il y aura aussi ce fameux défi 100 km à pied par Julie Morel, une équipe de journalistes pour la plupart, emmenée par Julie Morel, avec chacune des équipes de radio de RTBF. Et j'aurai l'occasion d'emmener les auditeurs avec les animateurs de Vivacité. Ce sera samedi soir. On aura de toute façon des directs tout le week-end. Donc vous serez aussi au courant de ce qui se passera par rapport à ça. C'est vraiment la dernière ligne droite. On est à fond, Cap 48. Et bon produit du terroir, voilà. Parce que pour moi, l'un n'allait pas sans l'autre en programmant ces deux journées à Mons et à Liège. Bon, on se retrouve juste après le flash de 14h. À tout à l'heure. C'est 6, 7 et 8 octobre, tu sais où je suis? Oui, au Westland Shopping. Oui! Et pourquoi? Pour la braderie d'automne, évidemment. Dis, tu lis dans mes pensées ou quoi? Non, mais j'ai Facebook et je peux même te préciser qu'il y a plein de bonnes affaires à faire pour renouveler, par exemple, ta garde-robe. Continue. Et pour les enfants, atelier cire, grimeuse, jazz band, artiste de rue. Dis donc, tu serais pas en train de me dire que tu m'invites les 6, 7 et 8 octobre au Westland Shopping? Ben mieux, je t'y emmène. Allez, viens. Info, westlandshopping.be, Ring West sortie 14, parking facile. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Comment bien manger quand... On a très envie de gibier. Ouh là là, le gibier, c'est très difficile à attraper, ça. Oui, mais c'est très facile à cuisiner. Le gibier chez Deleuze est 100% sauvage et européen. Une viande d'une traçabilité irréprochable et toujours 100% fraîche, puisque jamais congelée. Bref, de vraies saveurs d'automne en provenance directe du bois. Et les prix d'automne? Ils tombent comme les feuilles? Absolument. Jusqu'au 12 octobre, chez Deleuze, le steak de biche est à moins 15%. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Chérie, combien de temps avant 22h? 6 secondes, concentration maximale. Hein. Pas trop tôt, pas trop tôt. 4, 3, allez Patrick, 2, à fond. 1 et go! N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be, notre énergie, une source de plaisir. Moi, sur mon pot de Nutella, j'écrirai « Je t'adore ». Des canons ou quelle biche? Coucou pour tous mes petits loups. Beau gosse pour mon copain. Je mettrai un bisou parce que j'adore les bisous. Vous aussi, dites-le avec Nutella. Rendez-vous vite en magasin pour découvrir tous nos messages. Excellent après-midi à l'écoute de Vivacité, les 14h. Le flash de 14h, présenté par Delphine Vreux. Bonjour, attention aux perturbations demain dans le trafic des bus tech en Wallonie. Ce n'est pas une grève à proprement parler, mais des actions ciblées sont possibles et dans plusieurs secteurs d'ailleurs. Pour les bus tech donc, la direction redoute de fortes perturbations dans la région de Charleroi, de Mons et de la Louvière, en région liégeoise aussi. Ailleurs, entre 8 et 9 bus sur 10 devraient rouler. Cela revient à dire que le gouvernement fédéral délocalise la frappe de la monnaie nationale. L'Union nationale des services publics se désole. La Belgique ne frappera plus sa monnaie. 25 emplois perdus, insiste-t-elle. La monnaie royale ne va plus frapper donc la monnaie, mais un autre pays va s'en charger. Les organisations syndicales ont été informées aujourd'hui. Dans le contexte actuel, l'Union nationale des services publics dénonce l'hypocrisie du gouvernement fédéral. Bernard Westphal attend, la famille de Véronique Pirotton aussi. Le jury de la cour d'assises est entré en délibération vers 11h après une dernière prise de parole des avocats des parties civiles. Juste après aussi une dernière déclaration de l'accusé. Bernard Westphal est accusé d'avoir tué son épouse. L'homme a fondu en larmes, j'aurais tout fait pour elle, tout fait pour essayer de la sauver, a-t-il clamé, ajoutant que s'il avait pris le risque d'un procès, c'est parce qu'il ne pouvait accepter l'idée de plaider autre chose que son innocence. Le verdict est attendu cet après-midi. 10 trafiquants présumés d'êtres humains arrêtés mardi dans plusieurs pays, et notamment en Belgique. Ils sont soupçonnés d'avoir forcé de jeunes femmes à se prostituer. Enfin, le dôme du Taj Mahal va se refaire une beauté. Le bulbe de marbre blanc qui couronne l'emblématique mausolée sera en travaux l'année prochaine. Le monument attire chaque année des millions de visiteurs. Il va être placé sous échafaudage et même être recouvert de boue l'an prochain. Cette rénovation s'inscrit dans un programme qui a déjà débuté l'an dernier et qui pourrait durer jusqu'à 6 mois. Le dôme a été jauni par la pollution atmosphérique. La météo, une fin de semaine partagée entre nuages et éclaircies. 7 à 13 degrés aujourd'hui, demain un peu plus doux, 11 à 16 degrés. Un point RTBF Mobile Info avec Laurent Deboeuf, accident sur l'autoroute 40. Oui, le 40 Gand-Ostende pour être précis, c'est un accident qui vient de se produire à hauteur de Bruges. Il neutralise les voies centrales et de droite et engendre des files donc en direction d'Ostende. Pour le reste, des ralentissements à vous signaler sur le 313 Anvers-Liège, des files en accordéon enregistrées entre Anvers-Est et Herentals. Donc 30 minutes de perdu dans ces files si vous circulez en direction de Liège. Et puis on va terminer avec un véhicule en panne à Bruxelles. Dans le tunnel Louise, c'est la bande de gauche qui est entravée en direction de la basilique. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et elle a donc déménagé. Vous retrouvez Sylvie Honoré à Liège. Oui, je suis dans d'autres quartiers en effet. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. De 13h à 15h sur Vivacité, La vie du bon côté. Avec l'association CAP 48, avec la PAC W, avec René Collin aussi, ministre wallon de l'agriculture, de la ruralité, du tourisme, Renaud Tocquer. C'est vrai que c'est vraiment le... Là, je sais que vous n'en dormez plus, je sais, parce qu'on en parle quand j'ai même souvent. J'ai l'air si fatigué que ça. Non, on n'est pas l'air fatigué, mais on en parle. On dit Renaud, mais bon, il y a beaucoup de personnes autour de vous qui sont sur le front. C'est la grande ligne droite, c'est la dernière ligne droite. Oui, bien sûr. D'abord, j'ai la chance d'avoir une très bonne équipe autour de moi à CAP 48. Oui. 12 000 bénévoles qui sont actifs sur le terrain depuis une semaine maintenant et qui sont aussi également dans la dernière ligne droite, puisque la solidarité, elle part du terrain, elle part des villages, des communes, à travers les réseaux de bénévoles. Elle revient là, comme je le disais tantôt, avec le financement octroyé. Et puis, cette dernière ligne droite, ce sont aussi trois grands moments. Ici, sur Liège, dans les galeries Médiacité, samedi à 15h, on essaie de battre un record, le record du monde, du nombre de sourires. Donc, tous les Liégeois qui nous entendent devraient passer par ici samedi dans l'après-midi. Et puis, pour les marcheurs, à partir de 15h également, nous avons cette folle épopée des journalistes de la RTBF, 100 km sans dormir en 27 heures pour partir de Marche-en-Famenne et arriver à Liège. Un défi qui a deux vocations. Le premier, c'est de surprendre par sa dimension particulière. Tout le monde sait ce que c'est la marche, mais marcher 100 km, peu de gens le font. C'est véritablement difficile. Donc ça attire quand même l'intérêt. Et cette marche se fait au bénéfice d'une association qui travaille pour une cause extrêmement compliquée, qui sont des personnes handicapées mentales adultes, dont la difficulté est renforcée malheureusement par une maladie psychiatrique associée. On appellera la directrice des Héliotropes. Voilà. Et donc, marcher pour eux, c'est aussi donner plus de moyens financiers à ce type de problème, parce qu'aujourd'hui, il manque de moyens pour cette cause-là. Et enfin, et j'en termine, dimanche soir, c'est évidemment le grand rendez-vous annuel, la grande soirée de solidarité, avec l'ambition d'avoir un magnifique rendez-vous de convivialité, d'humour et aussi de solidarité, de dons, parce qu'on a besoin des dons. On a besoin des dons parce qu'il faut continuer à financer un secteur qui développe des nouvelles pratiques, qui a plus de besoins qu'avant. Les personnes handicapées, fort heureusement, vivent aussi plus longtemps qu'avant. Et donc, les moyens sont complémentaires. Nous sommes là pour les aider. Et ce grand rendez-vous de dimanche doit nous permettre de remplir leurs objectifs. C'est bien, je suis contente quand même, René Collin. D'abord, vous êtes là parce qu'il était évident que vous soyez là. Vous m'avez tellement bien épaulé avec la PAC W, encore une fois, par rapport à ces journées-là. Et puis, de confronter deux mondes différents, mais qui finalement se rapprochent aussi. Je pense que vous êtes tout à fait bienveillant sur la solidarité qui se vit au sein de CAP 48, et ça vous sensibilise. C'est le vivre ensemble, hein. Et donc chacun dans sa vie personnelle, familiale, collective peut être confronté au handicap. Donc on doit chacun travailler pour aider celles et ceux qui sont solidaires, de ceux qui ont un peu moins de chance, de ceux qui sont différents. Moi, je suis impressionné par tous ces bénévoles. Ils sont nombreux, Renaud parle de 12 000. Je suis aussi impressionné par quelque chose qu'il m'a confié tout à l'heure, en me disant qu'il y avait énormément de jeunes. Et c'est important de rappeler qu'on a une jeunesse qui est une jeunesse solidaire. C'est une jeunesse qui se bouge, comme les citoyens belges en général d'ailleurs. On se bouge pour les belles causes. Et donc, moi je ne peux que vraiment les féliciter. J'ai vu dans des petits villages, avec leur kawé, parce qu'il ne faisait pas bon ce week-end, des gens arpenter les rues, aller faire du porte-à-porte. Je trouve ça fantastique et je veux vraiment les féliciter et surtout les encourager. Marche-en-Famenne, c'est chez moi, et donc je serai au départ de la marche. Je ne ferai pas les 100 kilomètres, mais en tout cas, je ferai les premiers centaines de mètres avec vous. Est-ce que vous n'êtes pas né à Érosé? Et je suis né, effectivement. Moi, je prendrai le départ avec l'équipe Vivacité de Érosé. Ah, ben voilà. De Biron. Voilà. Je ne me couperai pas en quatre, mais Biron, c'est un des beaux hameaux de la commune d'Érosé. Voilà. Et ben, j'y serai samedi soir aux alentours de 20h avec toute une équipe derrière moi de marcheurs. Il y aura des ravelistes, il y aura des animateurs de Vivacité et du personnel, voilà, RTBF, puisque nous avons vraiment sensibilisé tout le monde à cette grande cause. Voilà, mais merci à tous les deux, et je sais que votre temps est compté, donc merci d'avoir été des nôtres tout à l'heure, depuis tout à l'heure. 070 23 33 23, SMS 30 63. Rebondir face à une épreuve comme celle-là, rebondir face à un handicap qui survient en cours de vie. Si vous souhaitez prendre la parole à ce sujet, bienvenue.

Jo, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Pourquoi il rigole? Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Octavia Break à partir de 15 495 €, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. Salut, c'est Divo Corrigui sur Vivacité, la radio diablement complice. Allô Mimi, je suis dans les emboutes, là, les magasins seront fermés. On commandera ce soir sur Krefel.be, en pyjama. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Bonjour monsieur, dites, excusez-moi de vous déranger, mais... Voulez-vous acheter mes post-it Cap 48? Baissez vos vitres pour Cap 48. À partir du 30 septembre, achetez les post-it Cap 48 au prix de 10 € au profit des personnes handicapées. Cap 48, pour que le handicap ne soit plus un handicap. La solidarité nous fait tous avancer. CBC, décidez d'avancer. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. Faire évoluer le regard des personnes par rapport au handicap. On en parle depuis 13h et on en a déjà parlé évidemment plusieurs fois aussi parce qu'il est important de vous faire réagir durant toute l'année sur le sujet. Ce n'est pas que parce qu'il y a cette campagne au nom très évocateur, en effet, que pour nous prouver que autant de pourcentages, 80% de handicap surviennent en cours de vie. Tanguy, vous êtes un des ambassadeurs, 22 ans. Vous nous expliquez comment votre vie a basculé. Vous nous en avez parlé tout à l'heure. Vous en parlez beaucoup quand vous êtes interviewé dans de nombreux secteurs médiatiques. Vous avez donc, fin mai 2015, perdu votre bras qui s'est pris dans une broyeuse, voilà, à cause d'un gant. Vous ne savez plus très bien si c'est le gant qui se prend dans l'engrenage, si c'est votre manche. Quoi qu'il en soit, vous restez 3 mois dans un centre de revalidation, c'est bien ça? Oui, tout à fait, donc au centre de fraiture. De fraiture, ouais. Où des ergonomes vous apprennent à comment faire avec uniquement un seul bras, comment faire au quotidien? Oui, donc au départ, quand je me suis réveillé, ben, j'étais un peu perdu. J'avais l'habitude de faire des choses déjà à gauche, vu que j'étais gaucher. Plus, ouais. Donc ici, il a fallu réapprendre des gestes simples, comme s'habiller, faire ses lacets, réapprendre à manger. Le principal, réapprendre à écrire. Oui. Donc, en vous disant que vous aurez votre autonomie complète, que vous saurez faire tout seul? Oui, tout à fait. Donc je me disais que voilà, si y a bien des gens qui apprennent plus tard au cours de leur vie à devenir ambidextre ou à apprendre simplement à refaire les choses suite à un accident. Donc je me dis voilà, moi il me reste mon bras droit, il est là, donc maintenant il va falloir l'utiliser. Il restera plus que celui-là. Donc on m'avait bien dit que voilà, au fur et à mesure du temps, mon cerveau s'adapterait. Ah oui. Encore fallait-il que le cerveau soit d'accord, mais il a été d'accord pour coopérer. Donc finalement, je suis devenu droitier et au fur et à mesure du temps, ben le corps s'habitue, l'esprit s'habitue et maintenant, enfin pour moi, je suis droitier. Je ne me pose même plus la question. C'est tout à fait naturel. Il y a encore des apprentissages malgré tout qui viennent au quotidien ou alors des moments où vous butez peut-être en disant ah ça je pourrais pas faire, ça je pourrais pas assumer. Donc il y a des petites choses de la vie de tous les jours comme simplement soit rentrer chez soi, fermer une porte. Enfin, il faut réfléchir à se charger correctement, il faut réfléchir à bien poser des affaires un peu partout. Il faut réfléchir beaucoup plus qu'avant. Avant, on fait les choses naturellement, mais ici, je dois réfléchir, je dois penser. Mais ça va tout seul. Maintenant, il y a toujours des petites choses de la vie de tous les jours qui bloquent. Mais chaque jour a ses petits défis, donc il faut se battre, il faut réfléchir. Et au niveau professionnel, alors, donc vous quittez évidemment votre fonction ou je quitte ma passion, tout simplement. Votre passion, ouais, jardinage. Donc, j'ai fait des études d'horticulture, j'étais bien là-dedans. Pour moi, c'était ma passion depuis toujours. Et donc du jour au lendemain, apprendre que ce n'est plus possible ou plus de la même manière et de manière assez limitée. C'était dur à accepter. Il a fallu faire le deuil de cette passion. Mais moi qui ne sais pas rester chez moi à rien faire, qui ne sais pas rester inactif, je me suis directement bougé pour me retrouver un travail. Et j'ai trouvé un travail ici à Liège, à la province, où je suis. Je suis vraiment très bien, j'ai des collègues en or qui m'ont directement bien intégré, donc d'accord. Je suis vraiment très bien. Ah, c'est pas très loin d'ici en plus. Non, c'est juste à côté. Ah ben voilà pourquoi vous êtes là. Mais bon, je sais que vous allez devoir repartir évidemment au boulot. Samuel, bonjour, vous êtes avec nous en ligne, Samuel. Bonjour. Allô, voilà, bonjour. Bonjour. Oui, vous m'entendez? Bien sûr, oui. Il y a un petit peu de bruit, je crois que ça va se calmer. Voilà, bonjour, non, bonjour Sylvie, bonjour Julie. Vous vouliez parler des différences invisibles et handicapantes à leur manière, les différences qui ne se voient pas, Samuel. Voilà, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a des personnes qui se reconnaîtront là-dedans, à savoir une différence qui est plus dans le ressenti, dans la vision qu'on peut avoir de la vie. Je pense par exemple au potentiel et des choses comme ça qui ont une approche différente de ce qui se passe dans leur vie et qui ne sont pas toujours compris puisqu'ils sont une minorité. Il y a d'autres, comme je l'appelle les hyper, ça peut être hypersensible ou quoi que ce soit. Et c'est une différence finalement qui peut être handicapante parce que soi-même on s'exclut parce qu'on se sent incompris ou alors ben, quand on s'exprime on peut être aussi mal pris, mal compris et donc c'est une sorte de handicap aussi. Je dis bon, tant qu'à faire, pourquoi pas aussi un petit peu présenter cet aspect-là des choses qui est un handicap qui effectivement ne rentre pas dans le cadre d'une maladie ou quelque chose comme ça, mais qui pour moi, je pense, peut aussi rendre la différence difficile à vivre pour ces personnes. Vous avez raison de le dire, parce qu'on a pas mal de messages par rapport à ça, des personnes à l'instant, une auditrice qui nous dit les maladies chroniques, Sylvie, ne sont jamais représentées peut-être dans le monde du handicap, pourtant elles brisent des vies, perte de travail, de vie sociale, douleurs qui sont là, et puis je vois aussi le message d'une adulte qui nous dit moi je suis devenue encore tout autre depuis que je m'occupe d'un petit garçon de 10 ans qui est atteint d'une maladie génétique, son courage, sa volonté m'apprennent encore à vivre et des choses nouvelles, alors que j'ai 60 ans, merci à Victor, nous dit cette personne. 070 23 33 23, SMS 3063, tout comme Tanguy peut-être, avez-vous aussi aidé une personne à rebondir, à refaire surface parfois parce qu'il y a une période de transition et peut-être aussi à envisager un autre avenir, un autre présent. Venez prendre la parole, 50 centimes, via le 3063 si vous souhaitez nous envoyer un message. Des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux. Livrés à eux. Ils font des petits. Ils font des envieux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de Sénéran, à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Usez, le sourire. Usez, l'usurier. Soyez ma muse. Que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Joséphine, osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. rien ne justifie. Osez Joséphine, c'est Alain Bachung sur Vivacité. J'ai des petites invitations aussi qui seront distribuées dans le public ici présent, c'est pour vous, hein, voilà. L'enveloppe que le ministre René Collin m'a laissée déplace 200 places VIP pour aller voir l'exposition d'Ali qui est accessible jusqu'au 6 novembre à Liège, au Guimin. Donc voilà, il voulait tout simplement vous remercier d'avoir offert 48 euros pour le buffet de ce soir et pour toute la journée que l'on organise ici même à Mediacité, en vous offrant donc deux places chacun pour découvrir cette superbe expo d'Ali, visible jusqu'au 6 novembre à Liège, au Guimin. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir sur la différence, sur le fait de vivre un quotidien différent depuis que le handicap est survenu dans votre vie et survenu dans la vie de votre entourage. Bienvenue encore une fois avant 15h. La route pour la qualification mondiale 2018 continue. Les Diables Rouges face à la Bosnie-Herzégovine. Ce vendredi en direct sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. Carrefour, partenaire des Diables Rouges et magasin des supporters. Bonjour, j'ai vu que vous faisiez la boxe de SFR à 39 euros par mois. Oui, je peux aussi vous mettre plein de sportifs dans votre boxe, du cycliste, du footballeur, du basketteur. Et tout ça va rentrer? Oui, à part le Brown James avec ses 3 mètres et ses 200 kilos. Toi, je vais te slam dunker ton derrière. Et voilà! SFR met plein d'émotions dans la boxe. Profitez-en pour 39 euros par mois pendant un an avec l'option Eleven Sport offerte pendant un mois. Plus d'infos sur sfr.be. Offre soumise à conditions. SFR et tout s'accélère. Le grand carnage social s'amorce dans le secteur bancaire. Une vengeance des banques, après leur sauvetage par les États et les règles qui leur ont imposées, l'enquête dans le VIF Express. Le VIF Express, pour ne rien vous cacher. Avec le VIF Extra, Voices of America. Bonne nouvelle pour les futurs parents et jeunes mamans. Le Salon Baby Days se tiendra à Tour Taxi le 8-9 octobre. Découvrez toutes les nouveautés. Vous recevrez en plus des cadeaux, des échantillons et une photo gratuite de votre bébé. Baby Days à Tour Taxi le 8-9 octobre de 10h à 18h. Info babydays.be. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. On se nourrit l'esprit, on se nourrit tout court. J'ai vraiment envie de mettre des producteurs wallons, des producteurs du terroir en évidence. Est-ce que vous avez déjà goûté la gosette, Tanguy, la gosette aux fruits? Alors là, malheureusement, non. Pas encore. Ça fait 20 minutes qu'elle que me vous tend. Lorgniez, ouais, que vous lorgniez sur la mienne. Je suis en train de la regarder, oui, elle me fait très envie. Et c'est dommage parce qu'elle est en train de refroidir. Philippe Malthus, vous représentez la... C'est bien ça? Pierre Malthus. Ouais, Pierre. Vous représentez la boulangerie... La boulangerie Yardé à Hermal-sous-Argenteau. Et donc, c'est vous qui nous avez livré. Ça s'appelle des comment vous avez ça dit? Ça s'appelle des gosettes. Donc mais vous n'avez pas dit gougouille tout à l'heure? C'est une gougouille, oui. Mais moi, je ne dis pas gougouille. Donc, c'est ça. Quand vous m'avez dit vous voulez goûter une gougouille, voilà. On dit gougouille chez vous. Ouais, c'est une gougouille de 4 heures, de 16 heures, voilà. Elles étaient toutes chaudes quand vous les avez amenées. En effet, oui. Donc, on les a sorties du four une demi-heure avant de venir ici à la Mediacité. Ouais, génial. Donc, voilà. Donc, c'est l'artisanat, c'est la qualité. Donc, essayer de faire le mieux qu'on peut, justement, pour servir la clientèle. Et la gosette, elle plaît aujourd'hui, la gosette? C'est un produit qui reste phare, je vais dire, dans toutes les boulangeries artisanales, oui. À quel fruit? Parce que moi, j'ai... On essaye de travailler, je vais dire, les fruits de la saison. Et puis, alors, bon, il y a les traditionnels qui sont abricots, pommes, cerises. Oui, d'accord. Ça, c'est les traditionnels, alors. Voilà. On peut maintenant les décliner avec toutes sortes de fruits, que ce soit la rhubarbe, les groseilles, les prunes. Donc, je vais dire, le choix est assez vaste. Très bien. Bah, merci d'être venu jusqu'à nous. C'est important pour vous, en tant que producteur, de pouvoir livrer votre produit, de pouvoir le faire déguster. Parce que j'ai vu que vous aviez quand même une certaine fierté en me disant, Sylvie, goûtez-la tant qu'elle est chaude. Voilà, en effet, on se donne du mal justement pour faire un produit de qualité. Donc, tout le monde sait bien que le boulanger, il se lève la nuit justement. Donc, ce n'est pas un métier c'est de vrai. Tout repos. Et alors, chez nous, c'est un gage de qualité, justement, de pouvoir prouver tout le travail qu'on a fourni toute la nuit pour justement ravir tous les palais, quoi. À Hermal-sous-Argenteau. Voilà, c'est ça, oui. On est à 3 km de Visée, donc on en a beaucoup parlé avec le Trilogiport. On est vraiment au milieu de tout ça, à Hermal-sous-Argenteau, rue Jean-Vercreuil. Voilà. La boulangerie Hardy. Alors moi j'en connais un aussi. Est-ce que vous aimez le lait, Tanguy ? Je vous pose la question parce que moi j'aime beaucoup le lait, mais vous buvez beaucoup de lait ou pas trop ? Disons que pas du lait normal, enfin du lait sucré. Sinon le lait, non, je ne suis pas fan nature. D'accord, parce que j'en connais un qui en consomme énormément, des milliers, que dis-je, des millions de litres de lait par an pour produire des fromages de terroir. Je m'adresse à vous, Jean-Marc Cabé, vous êtes avec nous par téléphone, bonjour. Bonjour. C'est ce que je lis sur votre site internet, hein. C'est assez interpellant. Je ne les bois pas, hein. Le lait, on l'écoute. Non, vous ne les buvez pas, non. Pour le transformer effectivement en fromage. C'est ça, vous représentez la société de Herve, fromage de Herve, Herve Société. Oui, donc voilà, on a une gamme relativement large de produits. Le produit le plus connu, et je dirais le produit avec lequel on a commencé, c'est le fromage de Herve, qu'on ne doit plus présenter aujourd'hui, puisque c'est un fromage, je pense que tout le monde connaît, et qui est un fromage très très très ancien, qui bénéficie en plus de l'appellation d'origine protégée, du fameux label AOP. C'est d'ailleurs le seul fromage belge qui bénéficie de ce label européen. Et à côté de ça, on produit d'autres fromages, notamment les fromages de l'abbaye du Val-Dieu, avec par exemple le bouquet des moines, ou encore le bleu des moines, le casse-croûte, le Val-Dieu, et j'en passe. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on va déguster aujourd'hui, Jean-Marc ? Ah, écoutez, moi je suis là au téléphone, donc je ne sais pas ce que vous avez. Parce que d'ici, je n'ai pas vu sur le buffet, vous voyez. Surtout qu'il n'est pas encore en place. Hein. Il est 14h30 et on mange à partir de 18h30. Mais donc voilà, ce sont des fromages qui viennent de toute façon de chez vous, qu'on va mettre à l'honneur tout à l'heure. Et croyez-moi qu'on va les mettre à l'honneur. Ben écoutez, c'est très bien. Et je pense qu'on a notamment bien mis en avant le fromage de Herve, qui reste le produit phare de la gamme, effectivement. Mais oui, mais même à l'étranger, on connaît votre fameux fromage. Merci Jean-Marc Abbé. Et puis, on aura fait le tour. On termine avec vous, Bernard Meurens, pour la siroprie, les sirops de Liège. Bonjour à vous, Bernard. Bonjour, Sylvie. Ah, on est vraiment tout près l'un de l'autre, hein, évidemment. René Collin en parlait tout à l'heure. Là, c'est vraiment du producteur à l'assiette. Il n'y a pas beaucoup de distance entre nous. Donc, le sirop de Liège, l'incontournable, hein, c'est le vôtre. Mais voilà, nous, c'est le vrai sirop de Liège, c'est notre marque d'ailleurs. On a commencé il y a plus de 100 ans, on a fondé l'entreprise en 1902 exactement. Et là, à l'époque, on faisait du sirop de poire et de pomme, comme tous les fermiers de la région. On a simplement industrialisé une recette du terroir. Depuis plus de 100 ans, voilà. Voilà, qu'est-ce qui permet encore d'interpeller les personnes qui ont connu en effet le sirop de Liège, comme vous le dites, le classique, de celui d'aujourd'hui? Mais le classique au départ, donc c'était sans sucre ajouté. On a une version avec sucre. La plus connue, c'est celle que les Belges préfèrent. Elle est avec sucre ajouté, mais on a également la version sans sucre ajouté. Oui, donc, ça c'est nouveau. Tout le monde peut trouver son compte. Il trouve son compte, quoi. Ceux qui aiment le sucre, ils ont la version avec sucre. Ceux qui veulent sans sucre ajouté, ont. Oui, mais vous avez dû vous adapter. Alors, en effet, voilà, par rapport à ça. Et alors, le consommateur, il peut l'utiliser aussi bien sur le pain, sur les crêpes, que dans les sauces, puisque dans la région de Liège. Les fameux boulets à la liégeoise sont très connus et se font avec le sirop de Liège. Avec le vôtre, hein, bien entendu. Mais vous savez, on le connaît partout aussi. Hein. On le connaît partout aussi, mais c'est vrai que vous êtes rentré aussi dans les recettes de cuisine. Merci. Ben voilà, pour les produits de terroir, on aura fait vraiment le tour en deux semaines de tous ces producteurs qui ont été avec nous et qui le seront encore plus ce soir, bien entendu, puisqu'on pourra goûter ces fameux produits. Bon, on revient. On revient aussi à ce qui nous appelle, on va dire, au niveau des témoignages. Si vous êtes confronté, si vous avez été confronté à un handicap en cours de vie, ou si vous connaissez des personnes aussi que vous aidez au quotidien. Peut-être êtes-vous un professionnel, peut-être aussi avez-vous aidé des personnes tout simplement dans votre métier, des personnes que vous souhaitez mettre en valeur en disant elles vous ont apporté vraiment un courage incroyable et une belle leçon de vie. 070 23 33 23 ou par SMS 30 63. Ce mois-ci, le magazine Gaël découvre une Nadja Labib inattendue. Derrière l'ex-envoyé spécial en Afghanistan et la présentatrice du JT de la RTBF, bouillonne une femme intuitive, ouverte, qui adore l'imprévu. Nadja est toujours où on ne l'attend pas. À découvrir ce mois-ci dans Gaël. Gaël. Vous avez tout pour vous.

Enrique Iglesias dans cette émission consacrée à la mission de Cap 48 et puis aussi à ce thème rebondir après un handicap. Cette campagne de sensibilisation qui prendra fin dimanche, bien entendu, puisque cerise sur le gâteau, vous serez très très très nombreux, les animateurs de la RTBF et puis beaucoup d'artistes seront également présents en télé sur la Une ce dimanche soir. Et qui sera le maître de cérémonie? C'est vous, Jean-Louis Lahaye, bonjour. Sylvie Honoré, vous savez que je vous vois, je suis juste en face, mais de l'autre côté. Ah, vous êtes magnifique. Faites des signes, faites des signes. Oui, c'est une grande soirée de dimanche, hein. Eh bien, c'est sûr, et vous ne serez pas tout seul, vous serez avec quelqu'un qu'on apprécie énormément sur une chaîne française, c'est Jean-Luc Reichmann, parrain de la soirée. Exactement, voilà, c'est le grand parrain de la soirée du 9 décembre, qui est touché directement aussi par le handicap, parce que vous savez que... 9 octobre. Il a une petite soeur qui est sourde, et donc il va venir avec beaucoup de plaisir, on l'a rencontré à Paris il y a peu, oui. C'est un garçon charmant. Au grand cœur, exactement le parrain dont on avait besoin pour cette année, qui est une grande année. Particulièrement sensible au sujet de la différence, bien entendu, qu'il vit hein, aussi au quotidien, avec cette fameuse tache sur le nez, si des personnes se demandent, mais enfin, quelle différence a-t-il? Je pense que c'est assez frappant. Cet animateur français, en effet, qui sera le parrain de la soirée. Bon, alors, il y aura plein de choses. Déjà, donnez-nous lever un coin du voile sur la partie VIP, la partie artistique, Jean-Louis. Quoi, vous pensez que je peux déjà le faire? Bon, alors, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. On aura le plaisir d'accueillir Julien Doré. Il y aura Patricia Cass. Il y aura Jennifer. Il y aura Christophe Maé. Il y aura M. Pokora. Il y aura Puggy. C'est dingue. Et il y aura encore d'autres surprises. Puis il y a aussi des fils rouges, hein, des épreuves qui vont à la fois nous surprendre, nous amuser, puis nous apprendre énormément. Il y aura de grands moments d'émotion, de très très belles rencontres. Et tout ça, c'est au menu évidemment du 9 octobre. On sera en direct à partir de 20h15 sur la Une en télé. Absolument. Votre copine Maureen Louise, elle sera là aussi. Hein, elle prendra le pouls du côté du web. Elle sera du côté du web. Elle est juste derrière moi. Puis il y aura Élodie Célis du côté des interviews. Et puis voilà, il y aura, on l'espère, un maximum de monde. Et surtout, un objectif qui est celui de battre le score de l'année passée, qui était de 4 900 000 et des raouettes, comme on dit ici à Liège. On va battre le cap des 5 millions, et j'espère, évidemment, parce qu'on sait qu'on va être d'une générosité sans borne dimanche. Il faut. Est-ce que je n'ai pas lu quelque part que Mesmer serait là, serait présent? Je vois, évidemment, coquine. Oui, Mesmer sera là. Mais c'est et fou. Il va faire un show exceptionnel. Ah oui, oui, sur des animateurs. Ouais. Je me réjouis quand même de voir un des peu animateurs qui vont être triés sur le volet. Victimes. En général, c'est comme ça hein, avec lui. Hein. On est ou on n'est pas. Voilà, donc il y aura plein de surprises, c'est clair. Et puis, vous accueillerez aussi les marcheurs, ceux qui auront enduré 100 kilomètres. Ouais, 100 kilomètres à pied, on ne se rend pas bien compte. Hein. Sans dormir. C'est assez drôle, parce que bon, c'est qu'il démarre de marche. C'est assez marrant. Hein. Pardon, parce que bon, c'est comme ça, ils sont grands. Et donc, 100 km à pied, et on les accueillera à la clôture de leur défi, en direct, sur le plateau de Cap 48. C'est pas beau, ça? Magnifique. Quand vous dites que vous êtes, juste un petit mot, quand même, que je dois absolument faire passer, c'est à tous les bénévoles qui nous écoutent, tous les bénévoles qui sont partout en Belgique, pour l'instant, en train de vendre les post-it Cap 48. Il faut vraiment leur réserver un accueil exceptionnel, parce que ce sont des gens exceptionnels, et qui se battent pour faire en sorte que chaque année, ce montant grimpe encore un petit peu plus. Et donc, voilà, je voudrais juste les saluer et leur dire bravo, et bravo à eux. Vous avez raison. Merci beaucoup Jean-Louis Lahaye, en pleine répétition avec toute l'équipe pour cette grande soirée Cap 48 en télé ce dimanche soir. Nous contacterons la SBL Héliotrope dans un instant pour qui le profit de toute cette marche organisée en effet depuis Marche en Famène au profit de Cap 48 avec Julie Morel, avec tous les journalistes, avec toute une équipe aussi derrière elle pour l'encourager. La SBL Héliotrope qui fait un travail extraordinaire et pas seulement en ce moment, hein, tout au long de la année, on aura l'occasion de parler avec sa directrice et puis on aura encore Luc Huberti, ambassadeur de cette campagne 2016. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Médiacité présente le mois du sourire ensemble pour Cap 48. Tous les mercredis et samedis, activités ludiques de sensibilisation. Je vous donne rendez-vous avec d'autres personnalités RTBF pour battre le record du monde et former tous ensemble le plus grand sourire humain. Je compte sur vous les samedis 8 octobre dès 13h30 sur la Piazza de Médiacité. Info sur cap48.be. Votre soin visage. Prend-il vraiment soin de votre visage ? Jusqu'au 31 octobre, les journées soins visage sont chez Yves Rocher. Venez tester l'efficacité de nos soins visage et profitez d'un diagnostic personnalisé réalisé par une conseillère beauté. Vous allez adorer. Les journées soins visage vous attendent dans tous les magasins Yves Rocher. Ne passez pas à côté. Testez-le vite, Yves Rocher. C'est 6, 7 et 8 octobre, tu sais où je suis ? Oui, au Westland Shopping. Oui ! Et pourquoi ? Pour la braderie d'automne, évidemment. Dis, tu lis dans mes pensées ou quoi ? Non, mais j'ai Facebook et je peux même te préciser qu'il y a plein de bonnes affaires à faire pour renouveler, par exemple, ta garde-robe. Continue. Et pour les enfants ? Atelier cire, grimeuse, jazz band, artiste de rue. Dis donc, tu serais pas en train de me dire que tu m'invites les 6, 7 et 8 octobre au Westland Shopping ? Ben mieux, je t'y emmène. Allez, viens. Info, westlandshopping.be, Ring West sortie 14, parking facile. Séquence santé dans cette émission consacrée à Cap 48, à l'action de Cap 48, à la campagne aussi de Cap 48. Bonjour docteur Géo, bonjour docteur Van Snick. Bonjour. On vous retrouve tous les jours en télé aux côtés d'Adrien De Viveur à 17h10 dans Vitamine et dans La Vie du Bon Côté avant 15h bien entendu. On parle aujourd'hui de la génétique parce que j'ai vu un article qui m'apprend qu'on arrive maintenant à déterminer si on va être un bon sportif ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez de cet article ? Eh bien, c'est horriblement vrai. C'est horriblement vrai. Alors, on avait bien sûr tous les dopages connus qu'on essaie d'éviter. Mais ce qu'on ne peut pas éviter, c'est en réalité, si on fait une carte génétique, on peut déterminer vers quel sport on sera, dans quel sport on sera le meilleur. C'est-à-dire qu'on peut simplement, en envoyant des tests sur des adresses d'Internet, on peut envoyer un frottis, par exemple un frottis de bouche, de langue, et la réponse est payante, bien sûr, et la réponse nous explique si on va pouvoir être un sauteur, un coureur, un dragueur, ce n'est pas encore écrit, mais ça va nous permettre de voir, en fait, si on a des fibres lisses qui sont, des fibres musculaires qui sont très développées et qui vont évoluer soit vers un sprinteur, soit vers un sauteur, soit vers un gymnaste. Et donc, c'est déjà utilisé depuis très longtemps. Alors, le problème, évidemment, c'est que c'est bien la génétique. Mais à côté de tout ça, il y a la motivation, il y a l'engagement des parents pour les enfants, hein, et il y a le désir des enfants. Donc, on ne fera jamais un sauteur avec un fainéant, bien sûr. Ça, c'est fou, ça, c'est fou. Au niveau de la génétique, il y a peut-être des habitudes aussi alimentaires ou non ? Est-ce que vous vouliez pas nous parler du café aussi ? Mais oui, par exemple, un article vient de paraître qui nous explique que la consommation de café est sous dépendance d'un chromosome, d'un gène qui s'appelle le PDSS2, ce que vous devez absolument retenir pour la semaine prochaine, bien sûr. Et donc, on se rend compte qu'en fait, certains patients ont besoin de très peu de café pour se sentir moins fatigués, alors que d'autres ont besoin d'un thermos entier. Et donc, on a trouvé le gène. Alors, un jour, on nous changera les gènes, bien sûr, c'est dans l'air du temps. Et donc, un jour, vous n'aurez plus besoin que d'une tasse de café avant de commencer votre émission. Mais moi, je n'en bois pas du tout, docteur. Est-ce que c'est grave ? Parce que je ne le digère pas. Mais voilà, voulais... donc, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, mon gène à moi, alors ? Alors, c'est le gène, c'est qu'on n'ira pas boire un verre ensemble, parce que non, si vous ne buvez pas de café... Pas de café, moi, non, pas de café. J'aime tout, sauf le café, voilà. Bon, on vous retrouve tout à l'heure en télé, 17h10 sur la 2 et puis demain dans cette émission. À demain. À demain. même les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leurs couleurs pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're seven seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting. And when a child is born into this world, exceptionnel avec cette personne aveugle, Youssou N'Dour. Nous parlons de Cap 48. Aujourd'hui, nous parlons de la différence et nous en parlons avec l'ASB, les héliotropes, avec Nathalie. Vous en êtes la directrice. Nathalie, bonjour. Bonjour. J'ai eu l'occasion de voir un reportage qui présentait votre service d'accueil, oui. Voilà, votre SBL, votre service d'accueil pour personnes handicapées mentales en situation de crise aiguë. J'ai donc appris que vous étiez une toute petite institution de personnes adultes à double diagnostic qui ont vécu un vécu d'exclusion, dites-vous, Nathalie. C'est juste, oui, tout à fait. Donc, ça veut dire qu'ils sont... Oui, dites-moi. Nous accueillons 6 personnes adultes qui présentent tout un handicap mental et des troubles psychiatriques associés. Elles ont ceci de particulier qu'elles étaient à la maison, c'est-à-dire qu'elles se sont fait renvoyer soit de structures de soins psychiatriques, soit de structures du handicap pour avoir présenté des symptômes très très importants et nombreux. C'est ça. Vous dites, parce qu'elles sont chez vous, les jeunes peuvent s'apaiser, les symptômes aussi peuvent s'apaiser. Ce sont des familles en réelle souffrance, sans aide extérieure, que vous aidez. Vous voulez continuer, Nathalie Delven, à faire ça du mieux possible. Ah oui, vraiment. C'est notre souhait le plus cher, c'est pouvoir continuer à garantir à ses parents une place pour leurs enfants. Et puis par ailleurs, c'est de parvenir par notre travail à faire diminuer les symptômes qui se manifestent au quotidien à la maison. Et il n'y en a pas un, il y en a une multitude. C'est vraiment très très compliqué à vivre dans un quotidien familial. Ce sont les 5 radios de l'RTBF qui se mobilisent pour vous. Oui, allez-y, c'est allez-y. Magnifique. Ce que vous souhaitez faire, donc, c'est continuer évidemment ça, parce que vous intervenez aussi dans les familles et sur site. Hein, donc vous vous déplacez aussi. Vous avez une équipe mobile. Oui, donc on intervient, donc on accueille chez nous des personnes qui n'ont pas de place et on intervient dans des familles ou dans des hôpitaux, des structures résidentielles ou des services d'accueil de jour, là où des personnes à double diagnostic sont accueillies aussi et posent dans ces endroits-là, ou familiaux ou institutionnels, d'énormes difficultés au quotidien. Et on cherche avec soit les parents, soit les travailleurs, des stratégies d'intervention pour apaiser là où sont les personnes avec handicap, afin qu'elles ne soient pas exclues quand elles sont dans des lieux institutionnels, afin que les parents puissent continuer à vivre quand elles sont au domicile familial. Tout à fait. C'est génial ce que vous faites. J'ai eu l'occasion de voir votre petite vidéo. Donc, allez taper sur un moteur de recherche les héliotropes et sachez que si vous parrainez nos mollets, soit de l'équipe de Vivacité, soit une autre, mais bon, vous qui nous écoutez, parrainez les mollets des personnes qui marcheront pour Vivacité, eh bien, vous pourrez renforcer donc le nombre et la qualité de leur intervention sur le terrain, le service d'accueil, l'ASB, les héliotropes. Et puis, je voudrais terminer par Luc. Luc Huberti, vous êtes un ancien entrepreneur en construction. Il y a 15 ans, votre vie bascule le jour où vous perdez votre jambe droite dans un accident de route. Je vous ai côtoyé lors de la conférence de presse. Luc, vous êtes un ambassadeur hors du commun. Quand je vois comment vous courez, Luc, comment vous avez développé... Vous m'avez d'ailleurs raconté, vous n'étiez pas sportif au départ, hein, juste avant votre accident, Luc. Bonjour Sylvie. Oui, en effet, bonjour. Je, comment en effet, je suis devenu sportif bien après mon accident. Votre accident, et bien après absolument. Ma validation, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Vous avez décidé de vous battre pour vous reconstruire, et je pense que c'est extraordinaire, non seulement pour vous-même, mais vous partagez aussi votre bataille, tout ce que vous avez gagné grâce à ce handicap, au profit d'une SBL, votre SBL, Luc. Oui, en effet. Hein, donc c'est une SBL qui s'appelle Lexgo. Et donc, moi, le fait de refaire du sport et surtout d'en faire pour une revalidation, ben, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et moi, je veux absolument partager ça avec d'autres personnes. Et donc, on est tout un comité. On est un comité au sein de l'Expo et on récolte des fonds pour pouvoir offrir la course à pied à d'autres personnes pour un peu essayer de reproduire tout le bien que ça m'a fait, effectivement. Mais c'est ça, c'est ça. Vous êtes finalement un ambassadeur hors du commun, puisque vous faites ça toute l'année aussi, voilà. Par rapport à ça, vous trouvez que la démystification du handicap est essentielle, et donc c'est un beau jeu de mots pour votre SBL Lexgo, voilà, tout simplement pour partager votre souhait de vivre, de faire vivre à ceux qui vous entourent et qui ont connu le même handicap, votre vie d'aujourd'hui, parce que vous êtes tout à fait épanoui, Luc, quand on vous voit. Merci, oui. Oui, c'est vraiment, oui. C'est vrai que bon, voilà, c'est vraiment une deuxième vie. C'est vraiment une autre approche. J'étais entrepreneur, j'avais une vie fort occupée. Maintenant, ben, j'ai vraiment appris à relativiser beaucoup. J'ai vraiment appris à profiter de chaque instant de la vie. Je me suis marié. Après mon handicap, j'ai un nouveau boulot et je fais beaucoup de sport. Et là, on peut vraiment bien mesurer tous les bienfaits de la vie, quoi. Même avec un handicap. Enfin, dans mon cas, avec un handicap, oui. Et ça, je veux le partager. C'est vraiment mon projet de vie à 52 ans, c'est vraiment ça. Et c'est génial, et c'est vous qui en parlez évidemment le mieux, parce que comme je le disais tout à l'heure à Tanguy, c'est vrai que parfois on a un regard gêné, embarrassé par rapport à des personnes qui, comme vous, et c'est vous qui nous donnez ces leçons de courage. Merci en tout cas Luc, on vous verra dimanche lors de la soirée de clôture. Bah, merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui et à tous ceux et toutes celles qui nous ont fait aussi des messages. Le fait de sensibiliser finalement à la cause est fortement apprécié. Dans quelques instants, c'est l'émission Aller-Retour qui s'installe et nous allons continuer notre journée ici en direct de Médiacité avec tous les auditeurs qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous. Pour un instant gourmand et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. Bon après-midi à tous. Le ciel continue à se couvrir à partir de l'est. Les nuages deviendront bien épais. On ne dépassera plus 9 à 13 degrés. Et il faut ajouter à cela le vent qui reste modéré de secteur nord-est. La nuit prochaine, avec la couche nuageuse, on aura évidemment des températures moins fraîches que ce matin, 7 à 9 degrés. Puis demain, le ciel sera généralement couvert pour commencer la journée. Quelques éclaircies se formeront au fil des heures. Et on pourrait aussi avoir quelques gouttes de bruine depuis les Hauts-de-Fagne jusqu'à la Campine. Demain, les maxima iront de 10 à 15 degrés. Ce week-end sera partagé entre nuages éclaircis, quelques averses samedi, un temps déjà plus sec dimanche et une moyenne de 9 à 14 degrés. L'univers du sommeil vous présente ses méga deals. 50% de réduction en octobre pour votre partenaire sur un lit double chez Hopping, Latoflex ou Hotsleep. Univers du sommeil, votre conseiller du sommeil à Bruxelles, Linkebeek et Ternat. Conditions sur universdusommeil.be. Psst, l'univers du sommeil vous offre également la TVA sur la plupart de ses produits. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Tu sais, chez Abio... Oui, je sais, dommage qu'Abio me le fasse que des châssis. Oui, mais en ce moment, ils font des conditions à moins 30%. Abio, fenêtre, porte, véranda. Abio.be. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Pas pour les canapés. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. En ce moment, conditions automne à moins 30%. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Abiome.be. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Un city trip à Bruxelles, c'est aller voir l'Atomium. Wow. Sentir l'odeur des caricoles. Rencontrer Manneken Pis. Hey, ça va, tige. Et tout ça au volant de votre tram ou bus. Faites de chaque jour un city trip en devenant chauffeur à la STIB. Rendez-vous vite sur jobs.stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Bonjour, cela ressemble fort à un ordre. Charles Michel prie Peter de Crème de faire ses valises et de rentrer en Belgique. Le secrétaire d'État au commerce extérieur est sur les bancs de l'école aux États-Unis. Il suit une formation en économie à la prestigieuse Harvard Business School de Boston. Elle coûte un peu plus de 70 000 euros. Payé par Peter de Crème, mais qui du coup est absent et jusqu'à la fin du mois et il manque les travaux budgétaires. Il touche son salaire de secrétaire d'État. Ça ne va pas, s'énerve Charles Michel aujourd'hui à la Chambre. Il rappelle aux membres de son gouvernement qu'ils doivent se tenir à disposition du Parlement. Une intervention qui a été saluée par l'opposition socialiste. Ils sont sortis. Perplexe, encore une fois, les syndicats de Caterpillar ont rencontré les responsables de Caterpillar Belgique